ça qu'a fait mal, a fait mal. Ça qu'a prié, prié pour nous tous. Ça qu'a fait bien, a fait bien. C'est pas tous les jours le joint de ça. Ça qu'a prié, prié pour nous tous. Ça qu'a fait bien, a fait bien. C'est pas tous les jours le vent We'll be right back. ka priye, priye pou nou tou. Sa ka fè bien, a fè bien. Se pa tou lè joun jwenn sa.